Activité 6, page 15, piste 7. A. Les fruits. B. Les légumes. C. Le pain. D. Le lait. E. La viande. F. Le poisson. G. L'eau. H. Les œufs.